Mon voyage étant ainsi réglé par ceux qui prenaient soin de moi, il fallait bien me soumettre, et c'est même ce que je fis sans beaucoup de répugnance. Quoique Turin fût plus loin que Genève, je jugeai qu'étant la capitale, elle avait avec Annecy des relations plus étroites qu'une ville étrangère d'État et de religion. Et puis, partant pour obéir à Madame de Varans, je me regardais comme vivant toujours sous sa direction. C'était plus que de vivre à son voisinage. Enfin, l'idée d'un grand voyage flattait ma manie ambulante, qui déjà commençait à se déclarer. Il me paraissait beau de passer les monts à mon âge et de m'élever au-dessus de mes camarades de toute la hauteur des Alpes. Voir du pays est un appât auquel un Genevois ne résiste guère. Je donnai donc mon consentement. Mon manant devait partir dans 2 jours avec sa femme. Je leur fus confié et recommandé. Ma bourse leur fut remise, renforcée par Madame de Varans, qui de plus me donna secrètement un petit pécule auquel elle joignit d'amples instructions, et nous partîmes le mercredi saint. Le lendemain de mon départ d'Annecy, mon père y arriva, courant à ma piste, avec un monsieur rival, son ami, horloger comme lui, homme d'esprit, bel esprit même, qui faisait des vers mieux que la motte et parlait presque aussi bien que lui. De plus, parfaitement honnête homme, mais dont la littérature déplacée n'aboutit qu'à faire un de ses fils comédien. Ces messieurs virent Madame de Varans et se contentèrent de pleurer mon sort avec elle, au lieu de me suivre et de m'atteindre, comme ils l'auraient pu facilement, étant à cheval et moi à pied. La même chose était arrivée à mon oncle Bernard. Il était venu à Confignon, et de là, sachant que j'étais à Annecy, il s'en retourna à Genève. Il semblait que mes proches conspirassent avec mon étoile pour me livrer au destin qui m'attendait. Mon frère s'était perdu par une semblable négligence, et si bien perdu qu'on n'a jamais su ce qu'il était devenu.